Bah, et oui. Générique. Jingle, Ramon. A perdu son chien policier, celui qui lui. That's cool. Station. Et bonsoir. Je suis Roger Delisle, le bave du cool. Vous écoutez Vaticool, diffusé en direct depuis les prestigieux studios de Crack Room. Sur station. Sur plage de la Porte d'Aubervilliers, 75-018 Paris, jonction 18e, 19e. Je sais que l'émission spéciale chômage vous avait plu, que l'émission Péperlito avec Jean-Mimi vous avait plu aussi. On était tranquille, on était bien, on était posé. Maintenant, il s'agit de la réinsertion par le travail et c'est pour ça qu'on reçoit l'équipe du Brume. Ouais. Bravo. Et tout blonné. Un public déchaîné donc pour cette émission qui repart sous le signe du travail, de la souffrance, de l'argent, le capitalisme, l'entreprise, on adore. J'ai donc à ma droite Jean-Michel Péril. Comment toujours ça va? Bravo, bravo. Bonsoir Paris. En face de moi, le sublime Stanislas Delafu. Oui. Bonjour, Lina. Lucien Bouchard. Oui. Et puisque dans tout ce... Oui, le tapis, tout ça, mais est-ce que dans tout ce... Dans toute cette équipe, eh ben, il faut un chef, Léon Bouchara. Oh, bonjour. Alors, Eji, il fait des tartines comme personne, le joyeux Robin. Et pour une fois, en régie, il s'ennuie un peu moins puisqu'il a sa stagiaire. Marie! Incroyable! La stagiaire qui me fait déjà des doigts, on est dans une bonne émission, mesdames et messieurs, incroyable! Bon, avant qu'on parle du travail, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat tout ça, je vous propose qu'on écoute un disque. Ouais. Un vinyle? Oula, on va peut-être pas aller aussi loin. Calmez-vous, Lucien. Un YouTube. Qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute en premier, les gars? Qu'est-ce qu'on a sélectionné déjà? Alors, qu'est-ce que vous avez sélectionné? Vous avez sélectionné, vous êtes par là. J'ai du Kevin Ayers, j'ai du Kid Creole, j'ai Stranglers, j'ai du Chrisma, j'ai du Jean-Louis Murat, j'ai du Baxter Dury. Ah. Oh, bah écoute, David G. Young Marble Giant. Allez, on commence Kid par Kid Creole. Kid Creole. Kid Creole, et c'est parti. On va commencer par Kid Creole. Yes. Avec le morceau I'm a Wonderful Thing, Baby. Et c'est y part. I'm look no better. Girl, I'm at the peak, and that's a fact, that's a fact. Take a part of me, you know it couldn't feel no better. Take it all with ease before you break your back or get a heart attack. I'm a wonderful thing, baby. Cool, épisode 34, il me semble. Ah oui, déjà. 34. Que le temps passe. Le temps passe vraiment. Je sais plus, Jean-Michel, aide-moi sur ce coup-là. Un truc comme ça. Quelle fréquence, c'est hebdomadaire? Bah écoutez, c'est une fois toutes les deux semaines, un mercredi sur deux. Bimensuel. Bimensuel, exactement. Bimensuel. C'est sérieux, hein? Très sérieux. On se retrouve donc aujourd'hui avec l'équipe du Brume. Voilà, et nous c'est quotidien par contre. Et oui, pas dimanche, c'est quotidien. Vous êtes ouverts tous les soirs, tous les soirs. Tous les jours. Même le dimanche, midi même... et soir. Sauf le samedi midi. Attends, et le dimanche, midi aussi midi, par contre. Ouais. Oui, incroyable. En semaine. Ouais. Et vous, genre vous bossez la journée. Ouais. 1/3. Voilà. Alors pour les gens qui nous rejoignent actuellement, on est donc sur l'épisode 34 de Vaticool en compagnie de l'équipe du Brume. Ils ont tous les trois les yeux cernés puisqu'ils ont travaillé jusqu'à très tard hier soir. Non, franchement non. Ils ont beaucoup souffert. Franchement, ils ont une très bonne mine. On a une rayonnante. Rayonnante, c'est ça, exactement. Ouais. Bien sûr. Heureusement, Yocern est toujours, eh bien, vous m'avez toujours moi et Jean-Michel Péril. Ouais. Donc finalement, bah, c'est vrai que vous avez des bons cernes. Nous, on n'a pas d'excuses. Hein. Ouais. Moi, j'ai fait le brassage à 13h. Ah ouais. Rien à foutre. Et moi, c'est naturel depuis environ mes 12 ans. Donc, toi, t'étais de l'autre côté du comptoir hier soir, en fait. Très bien. Roger Panda de Lille. Exactement. Bonsoir à tous, je suis une espèce protégée. Mon cul était se protéger formidable. Et donc Lille, t'étais du bon côté du comptoir hier ou, et toi? J'ai même pas picolé. Non. Ah ouais. J'étais du bon côté, j'ai même pas picolé, j'étais péperlito chez moi. Ouais. Ah. Rare. Soirée. Dans sa taverne de panda. Soirée romantique. Il y a le standard qui brûle. Le standard brûle. Ah, on a un incendie. Et pendant que le studio prend feu. C'est la Marlboro Gold qui fait de la merde. Alors que tout le monde est dissident. Léon, comment ça va? Eh ben très bien. Donc c'est toi le boss. Entre autres. Comment ça, entre autres? C'est lui la patronne. Entre autres, j'ai un associé, Gilda Rubenstein. D'accord. Voilà. Gilda. Salut Gilda. Tu nous écoutes, j'espère, Gilda. En tout cas, t'es un terrible, mon vieux. Voilà, patron. Petit patron, hein. Petit patron. C'est ton premier. Deuxième. D'accord. Deuxième. Okay. J'avais repris un bar qui s'appelait L'Angora à l'époque, ouais. À Bastille. Ok. C'était le bar de mon père. On l'a tenu pendant un an avec Stan, Lucien et ma tante. Ok. On avait une scène. Ça s'est bien terminé ou mal, je sais pas. J'y faisais des extras. Plutôt pas mal. Bien et mal à la fin. Ça s'est terminé. Plutôt pas mal. Ça s'est terminé. Il y avait une scène. Il y avait une scène. Ouais, ouais. À l'étage, il y avait des concerts. Ouais, ouais. C'était super. Il y a une scène au Brume. Non, malheureusement. Non, ça fait quoi, 30 mètres carrés, donc ça fait 30 mètres carrés. Oh, c'est plus grand que chez moi, déjà. C'est très condensé, c'est compact. Voilà, très compact. Il y a un standard à côté des platines, on dit en vrai. Ouais, j'en ai un aussi, voilà. sous ma main. Donc il y a des platines, justement, il n'y a pas de scène, il y a des platines. Mais chercher le standard. Et des CDJ de Arrêtez de parler de standard, on est en train de parler de technique, de ce qu'on fait pour attirer les gens à notre bar. Vous parlez cendrier, là. C'est vrai, mais la régie est là essentiellement pour nous déconcentrer. On a des cendriers au Brume, on a beaucoup de cendriers. On a des beaux cendriers, ouais. On a des cendriers Fernet Branca, voilà. On a des cendriers Ça Stella. On n'a pas de fumoir, non. Non, mais ils ont une terrasse. On a un trottoir, une terrasse. Non, on dit une terrasse à Paris. Une belle terrasse, magnifique. Un merveilleux morceau de trottoir. Racontez-nous un peu la genèse du Brume. Comment ça s'est... Le Brume, alors ça s'est fait très rapidement. Mon associé voulait monter un bar, il m'a proposé gentiment. Ce qui est pas mal. En fait, c'est un gars avec qui on travaillait il y a fort longtemps dans un restaurant qui s'appelle Les Enfants Perdus, où on travaillait tous les trois. D'accord. Tous les trois, oui. Et lui aussi travaillait avec voilà. nous. Et voilà. Donc c'est une histoire de famille. Qui remonte à. Vous avez l'habitude de travailler 7 ans maintenant. Bien 7 ans, oui. Ça fait 7 ans que vous travaillez ensemble. Ouais, ouais. Et comment ça se passe alors, au bout de 7 ans? Très bien. Regarde. C'est comme une vie de couple. Est-ce qu'il y a le cap des 7 ans comme dans une vie de couple? Oui, je crois. Ah, on doit. Mais on en parlera plus tard. Des petits regards. Là, on voit Stanislas qui n'en peut déjà plus. Mets les Stranglers, Roger. Vas-y. Allons, les Stranglers. Tout de suite, un morceau. Ça va se bagarrer en antenne. Pas du tout. Non, on n'est pas bagarreur. On est vachement dans le dialogue. Vous n'avez pas de mec de sécu d'ailleurs. Je crois que vous faites la sécu vous-même. Oui. C'est Lucien ça. Là. Lucien surtout. Ah, Lucien, c'est... Bah, déjà, Lucien, je me sens en sécurité quand je vois Lucien. Voilà. Bah, Lucien a fait judo. C'est la sécurité même. Il a fait du judo en CM1, je crois. 6 mois, je crois. Il a fait du judo. Alors, Lucien, faut parler dans le micro. Alors, parle bien dans le micro. C'est Lucien. Le principe de la radio. Lucien, responsable de la sécu du Brume. Oui, exactement. Avec Garba Tunkara. Ah, sacré Garba. Attends, on l'adore. Garba, il nous écoute. Il m'aide beaucoup. C'est vrai? Ouais. Il m'aide énormément. Il y a eu des soucis? Non, c'est. Ils sont gentils, les clients, quand même. Ouais. Oh, oui, les clients sont gentils. Ils se tiennent à carreau? Ils se tiennent à carreau. Aucun problème. Non, pas du tout, par contre. Ils se tiennent pas du tout à carreau. Ils sont des schlags. On est vraiment dans le quartier où il y a aussi des relous. Et du coup, faut faire avec. Et c'est bien aussi. Puisque le Brume. Ferme à quelle heure? C'est 2h? On ferme à 2h. Alors, peut-être une indication géographique pour les gens qui voudraient boire des coups déjà à cette heure-ci. Il est quoi? 15h30? 131 rue Oberkamp. 15h55. C'est au 131. Rue Oberkamp, il n'y a personne pour le moment puisqu'on est tous là. Brume bar. Okay. Mais il y a les chaises en terrasse, vous pouvez vous installer et nous attendre. Ça ouvre le matin. Le matin, on ouvre à 10h, oui. Ah oui, vraiment fermé. On fait aussi des cafés si vous voulez. Mais non, et oui. On fait des cafés. On fait du café. Boissons chaudes et boissons froides. Oh, c'est génial. Formidable. Et les thés sont dans les tasses à café pour la même occasion. Ouais. Voilà. Les thés sont dans les On n'a pas de tasse à thé. Ouais. On n'a pas de tasse à thé. Ça fait vraiment des tout petits. Alors c'est donc un appel aux dons. Vous aussi, vous pouvez donner vos tasses à thé à Brume. Vous saurez vous faire recevoir. On va créer peut-être une cagnotte litchi pour les tasses à thé. Ah oui. Des verres à pinte aussi, hein, si vous avez ça chez vous. Si vous avez des verres à pinte également. Arrêtez de voler nos verres à pinte. Arrêtez de voler déjà pour commencer. Les pintes, vous les servez dans les tasses à café aussi du coup? Oui. Oui. Ah bah ouais. Voilà, tu reviens. Le concept du bar en fait, c'est tout sérieux. Continuez à voler les pintes finalement. Tout dans du plastique, tout dans du plastique, c'est terminé le verre. Ah, c'est fini le verre. Ouais, si vous continuez à voler. C'est pas très écolo les gars. Bien, bah arrêtez de voler le verre. Il faut responsabiliser tout le monde. Ouais. Voilà, faut. Ouais. Pensez à les travailleurs pailles. Comme les clients. Pensez à vos pailles aussi. Pailles individuelles. Ouais. C'est vrai, gardez vos pailles près de vous. Un trait danger, deux traits sécurité. Exactement, un trait danger, deux traits sécurité. Je vous propose qu'on écoute un morceau. Allez. T'évoquais les Stranglers, Stanislas. Ouais. Bon, on va écouter les Stranglers. On adore. On a d'ailleurs un sacré poster beau poster des Stranglers, en concert. Au Brume. Ouais. Et bah, c'est parti pour les Stranglers avec Taylor and the Sea. Collector. C'est vrai que le poster est collector, ouais. En effet. On va le voir à Brume. ship. I took her overseas. She left her hold unlocked. I had to find a dock. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. Traced our steps, rebuilt the woman's ship. I took her back up north. I lost her in the fog. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler on the sea. I was a toiler. I was a toiler. I was a toiler on the sea. On the sea. I was a toiler, I was a toiler on the sea. I was a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler, a toiler. Station, station, la station de la station. Que l'on se retrouve donc avec l'équipe du Brume. Hello. On vient d'écouter Hello. Les Stranglers. C'est magnifique. On est pas mal. Ouais. Donc voilà, vous avez entendu Lucien, donc qui responsable. Bah Roger, tu travailles avec nous de temps en temps. Eh hein, oui, je travaille avec vous effectivement. J'ai fait un service. Attends. Roger travaille. Eh oui, Roger travaille. Roger travaille de temps en temps. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Pour payer ses factures. Mais il a travaillé à Brume il y a pas si longtemps que ça. La semaine dernière. Il faisait quoi? Il faisait quoi? En remplacement de Lucien qui a eu un accident de scooter la veille, faut le dire. Hein. Merde. Ouais. Rien de grave? Non. Non, rien de grave, regardez. T'as percuté un gilet jaune? Ouais, voilà. Un gilet jaune, exactement. Et donc Roger faisait la sécu, du coup, lui qui te remplaçait. Non, il était au bar, Roger. Il était au bar? Bah oui, tu m'étonnes. Pepperlito au bar. Sécu avec Roger. Ouais. Sur une soirée à base de reggae. c'était la soirée reggae, exact. C'était la soirée reggae du Brume, en effet. Qu'est-ce qu'on écoute au Brume, à part du reggae et des Stranglers? Beaucoup de reggae, beaucoup de Stranglers. Ouais, Stranglers, beaucoup de tout. Hein. Cool. Donc on est variés, on se... Puisque donc on le rappelle, on reçoit l'équipe du Brume. Donc Brume, c'est un bar situé au 131 rue Oberkampf. À deux pas de... tout en haut de la rue Oberkampf, à deux pas de l'international. Oui, voilà. On peut le dire. Exactement. Ce sont des amis aussi. Oui, tout à fait. Certes des collègues, mais également des amis. Tout à donc fait. Voilà, à deux pas de l'international, c'est un bar. Donc le concept du bar, on le rappelle, les gens viennent pour boire des coups et être dans une ambiance plutôt sympathique et en échange, ils donnent de l'argent. On précise, c'est pas mal de le rappeler. Voilà. S'ils peuvent, hein, s'ils peuvent. Oui, oui, s'ils peuvent. Il y a déjà des ardoises, ça commence. Ah, mauvais plan, ça, les gars, faut pas dire aux gens. Vous avez ouvert quand? Il y a 3 mois. Ah, c'est nouveau. Le 1er décembre. 1er décembre. D'accord. 1er décembre dernier. Ouais. Et puisque vous aviez beaucoup de travail, vous n'avez pas pu venir avant dans cette émission. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, vous êtes ici pour que je vous propose un accord commercial de sponsoring de cette émission. Ça veut dire qu'il veut venir sans payer ses coûts. Ouais, ça. Je vois pas de quoi tu veux parler. Ouais. Voilà. Et vous avez lancé le sandwich. Vous avez inventé le sandwich, on les gars. On a inventé le sandwich, ouais, bien sûr. C'est alors peut-on du coup décrire cette invention? Ah, c'est Lucien qui a inventé le sandwich. Oui. Ah bah du coup, Lucien va nous parler de son invention, le sandwich. Attention, jingle sandwich. Alors attention, jingle sandwich. Miam, miam, miam, miam, miam. C'est un jingle. Alors le sandwich, c'est très simple. Oui. Du pain. Pain. Attends. Quelle race de pain? Parce qu'on est en France. T'es déjà en train de boulanger, t'as plus de 130 sortes de pain. Pain de seigle. On est sur un pain aux céréales. Quelle race de pain? Un petit pain aux céréales. Ah. Baguette céréales. Non, pas baguette. Non, du pain, pain. Le pain. Non, pas demi-baguette. Des pains campagnards. Pas demi-baguette. Une campanette. Un petit pain individuel. Ouais. Très bien fait, personnel. Croustillant et moelleux à l'intérieur. Mm-hmm. En sachant que notre signature, c'est le pastrami. Ah. Moutarde au miel de Monsieur Khalifa. Attention, Michel Khalifa. Michel Khalifa. J'ai oublié Michel, excusez-moi. D'accord, donc l'homme qui fournit le pastrami n'est pas n'importe qui. Voilà. N'est pas n'importe qui. Meilleur ouvrier de France, le monsieur, quand même, attention. C'est meilleur pour ça que c'est pas n'importe qui, les gars. On regarde tous Top Chef hein, autour de cette table, on va pas se mentir. Voilà. Mais tu baisses, mais tu casses. Team Etchebes, toujours. Pour finir, une petite harissa de monsieur Michel Khalifa, toujours. T'as décidé, non, Michel Khalifa. Très aïolé, magnifique. Ah d'accord, ok. Aïolé avec de l'aïoli. Aïe les verres. Aïe. Et donc après le pain, le pastrami, la petite sauce. De miel, des petites crudités. Histoire de d'apporter du croquant. De la fraîcheur. De la fraîcheur du croquant. Des petites salades en tout genre. Voilà. Donc, d'accord. Et vous faites que des sandwichs en bouffe. On fait que des sandwichs. Et bah, c'est déjà pas mal. C'est bien, c'est très bien. Un sandwich. Je connais un paquet d'établissements qui ne. Je crois qu'il y a eu des huîtres pendant 2 jours à l'ouverture et puis ça sert jamais. Il n'y a jamais eu d'huîtres. Elles étaient à la carte pourtant. C'est un mensonge. C'était un leurre. Il faut du rêve un peu. Faut vendre du rêve. Faut vendre du rêve. On n'est pas obligé de l'avoir en stock, le rêve. Ouais. Bien sûr. C'est le moment de Jean Ferrat, du coup, non? Oh, la transition. La transition, la radio professionnelle. C'est parti. Vous êtes à Station, la radio de la station. La station de la station. La station de la station vous propose donc... Jean Ferrat. Je propose Jean-Louis Murat. Ah, c'est Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat. Qui a dit Jean Ferrat? C'est moi qui ai dit Jean Ferrat. C'est lui qui a dit Jean Ferrat. Après, on écoutera Entr'acte Twist. Ah, ok. Ouais. Je vous ai piraté. Qu'est-ce que c'est? C'est un orchestre. Cool, en fait, son numéro, ouais. C'est la maladie d'amour qui nous apprend à ne jurer de rien. C'est la nature de mon sang, par le sang où l'amour me tient. Et je passe toutes mes nuits en idée de bonheur au soleil de votre vie. Je sais dire votre nom, mon désir, ça je le savais. Et où est votre maison? Mon plaisir, ça je m'en doutais. c'est la maladie d'amour qui nous tient le corps. Cette odeur de toujours des licornes qu'on effleure, son silence nous fait trembler. Par tous les yeux, la lueur de celle qu'on reconnaît. Voilà parade d'amour, sexe. Il faut un geste sur la piste des beaux jours. C'est la maladie d'amour qui nous tient le corps trempé. C'est la manie des toujours qui sait si bien nous faire chanter. Sur le mâle lit de fleurs où s'échangent mille baisers. Et le rêve dont on meurt. Direct, Roger. Vaticool. Et Vaticool, épisode 34, tout de suite, un message du chat, une Vati-réclamation qui nous dit le Vati-morceau de Jean-Louis Murat, c'est ni fait ni à faire, voilà, merci Tropical Horse 666. Tu vas voir tout à l'heure, vers 18h, mon petit bouchon. Oh, le clash. Wow. Tropical Horse 666, qui on le rappelle évidemment, Max-Antoine Hardcore, Tropical Horse, Galop Salop, une émission qui se déroulera à partir de 18h. Je comprends rien, t'es salade, c'est pas grave, t'es pas obligé de comprendre. Personne ne comprend vraiment, tu sais. C'est ça. C'est le but. C'est obscur. Ouais. Ouais. Bon, on va remettre un tapis. Parce que là, on se sent un peu à poil. Pour l'instant, Jean-Michel, tu veux nous dire des trucs ? Je vais, pardon ? J'ai pas dit des trucs. Il fait toujours ça, j'adore. Ouais. Allô ? Jean-Michel dit des trucs. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un tapis. Ok. Tapis de l'espace. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait partie de la BO de Faster Than Light. Donc effectivement, c'est un tapis de l'espace. C'est un film d'horreur, ça, non ? Non, c'est un... C'est jouer un clown et un... Eh non, pas du tout, c'est un RPG autour... Mais non, c'est un RPG semi autour par tour. Ah, d'accord. Je comprends pas, là. Geek ! C'est un jeu vidéo, c'est pas grave. Ah oui. Sur ordinateur. C'est pas grave. Sur ordinateur informatique. Jean-Michel, tu avais une chronique, une demi-interview, je crois. Alors oui, j'ai envie de tester une nouvelle chronique avec vous les garçons, si ça vous dit. Oui. Tu veux un jingle aléatoire ou tu veux musique à toi ? Fais péter un jingle aléatoire. Ça, c'est un jingle aléatoire. C'est une chronique que j'ai baptisée l'interview à moitié. Pourquoi à moitié ? Parce que j'avais écrit plein de bonnes questions, sauf que y a la moitié qui s'est barrée parce qu'il y a mon chien qui a tout bouffé. Ah oui. Le concept, je vous explique. Je commence par des vraies questions et c'est à vous de finir la question et d'y répondre. Ah oui. Vous êtes prêts ? Allez. Il y a 5 questions. Première question. Que pensez-vous ? Voilà. C'est du sandwich. Alors, que pensez-vous du sandwich ? Eh bien, c'est... Est-ce que le sandwich est la nouvelle bouffe à la mode ? Après le burger, après la pizza, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un regain du sandwich ? Oui, je pense, ouais. Retour à la simplicité... Direct. À l'amour du pain. À l'amour du pain, du produit. Du sandwich de gueule de bois ou du sandwich au soleil ou voilà. Du sandwich plus vieux. Moi, par contre, j'ai une question à propos du sandwich. À combien coûte le sandwich ? Ah, bah oui. Oui. Oh. Alors, le sandwich, il est à. Et il peut être à 5 euros comme à 7 euros. Comme à 7 euros. Voilà. Ça reste à bord à votre sandwich. 7 euros. Il est entre 5 et 7 euros ? Tout à fait. D'accord. Pour la version à 5 euros, qu'est-ce que j'ai dans mon sandwich ? T'as de la burrata, de. Oh. Burrata. Oh. Burrata. Burrata. De l'huile d'olive, du sel, du poivre. C'est une burrata. Ça sent un peu l'arnaque dit comme ça. Il y a du pain avec de la mie. En vrai, un sandwich 5 balles, un sandwich mais burrata, ouais. C'est ok tiers. Hein. Burrata ouais. Fermière. Burrata fermière de, oui. Du producteur, du petit producteur. Non, là, c'est. Non, là, c'est pas italien. Burrata anonyme. Burrata anonyme. Tu m'as menti encore, hein. Il paraît que c'était un traiteur italien, nanana. Si, c'était... Il y a un clash, il y a une scission, il y a une scission. Terra de... Candido, Terra Candido. Ok. Ah, voilà. Quand même. Deuxième question, les gars. Racontez-nous votre première... Première... Première after au bar. Racontez-nous votre première after au bar. Excellente question. Première after au bar, attention, au bar, c'est là. Parti. Bah, on s'en souvient et plus. Et le dernier. On s'en souvient plus. Comment ça, vous en souvenez plus? C'est, vous enchaînez directement rapidement les afters après l'ouverture en décembre hein. Ouais. Ouais, il y en a eu. Ouais. Alors, où faire son after quand on est à Oberkampf et qu'on est venu boire des coups chez vous? Où est-ce qu'on peut vous retrouver en deuxième partie de soirée? Deuxième partie bah... Dans les appartements de l'immeuble. Tout simplement. C'est vrai que les voisins, ils sont sympas. Voisins, hein. Et tout de suite, le digicode en direct. Donc chez After. Je connais toujours pas ce putain de digicode. 4263 de la station. Attention, troisième question. Pourquoi? Pourquoi? Faut compléter. Il faut compléter la question, les gars. C'est le questionnaire à moitié. Vas-y, Léon, utilise ton pouvoir de pourquoi compléter la question. Pourquoi est-il si méchant? Pourquoi est-il si méchant? Qui est méchant? Mais parce que... Excellente question, excellente réponse. Voilà. Quatrième question. Quel est votre plus grand... Hobby. Quel est votre plus grand hobby? Tirer de la bière, je crois que c'est génial. Ah oui, hein. J'ai travaillé dans un bar où il n'y avait pas de tireuse pendant 2 ans. Et, ah oui, et là, c'est vrai qu'il n'y avait pas de tireuse. Tout d'un coup, dans un bar où il y avait une tireuse, c'était vraiment génial. Ça change, le geste est parfait. Le geste est génial. On n'est pas sur un bar à cocktail, truc chiant. On est sur un bar avec de la bière. C'est un bar qui peut faire des cocktails. On a arrêté. Mais on peut en faire quand même. Oui, mais à la demande. On sait les faire. Pas des trucs qui mettent un quart d'heure, qui coûtent 20 euros et qui se boivent en deux gorgées. Non, ça ne coûtera jamais 20 euros. Bon, ok. Ça coûtera 10 ou 12 max, quoi. Ouais, selon l'alcool premium ou non. 1000 euros. Et dernière question de ce questionnaire à moitié. Quand avez-vous commencé? Ou bah à tirer des bières peut-être ou à je sais pas. Tirer des bières. Tirer des bières. Ça fait combien de temps que vous êtes de la partie comme on dit. Je suis un peu né dans un bar à Pigalle. Hein, je suis né dans un bar à Pigalle aussi. J'ai fait un CAP cuisine. La Bouchara Connection est née dans c'est un bar. CAP cuisine. Oui donc toi c'est vraiment depuis ta plus tendre enfance. Mais t'as été cuisinier. J'ai été cuisinier. D'accord. Mais je le suis pour moi maintenant. C'est plus vraiment. J'adore faire la cuisine. Parle-nous de ce restaurant, Lucien, que tu évoques tout le temps. L'escargot Montorgueil. Instant promo. Alors, instant semi-promo. Pour manger des escargots à l'ail, au roquefort, au safran. Faut aller là-bas. Mais plus fait par moi, par contre. Ah, évidemment. Bah non. Sachez qu'on remplit nous-mêmes les coquilles d'escargots avec des escargots. C'est extraordinaire. Dégueulasse. Ah, donc c'est... Sachez... Il n'est pas naturellement garni. Un escargot n'est jamais... tu prends pas un escargot, t'es obligé de le faire dégorger, l'enlever de la coquille, nettoyer la coquille et... le remettre dedans. Tu le ranges dedans. Comment fait-on dégorger un escargot? Dans ça, une, c'est une bonne question. Bassine. Le cinéma, la où on laisse peinture, la bave la s'échapper de l'escargot la pendant 2 mois. Attends, ça mais ça... n'intéresse personne. Et tu coupes les réponses. Non, mais c'est intéressant ça, ce qu'il racontait. Attends, justement. Attends, justement, c'est parce que le cinéma, la musique et tout, ça n'intéresse personne. Que la planète entière nous envie, et il est en train de nous expliquer comment on fait. Ah, mais attends, comment... C'est pour ça qu'on va apprendre. Comment dégorger un escargot, putain. C'est pour ça qu'on va apprendre à dégorger tous ensemble un escargot. Lucien, c'est parti. Lucien, tuto. Alors, une grosse bassine, un gros baril, on ne sait pas. Vous laissez les escargots vivants dedans de préférence. Vous attendez. Et la bave va s'échapper, l'escargot va sécher. D'accord. Ensuite, on récupère l'escargot, on l'enlève de la coquille, encore une fois. C'est mieux. Et on le cuit à basse température. Donc sans la coquille, comme ça Sans la coquille. Il est mort à ce moment-là. Oui. Ok. C'est une légende où on croit qu'on ramasse un escargot dans les champs et on le fait cuire. Ça n'existe plus. D'accord. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Ok. À moins de tomber malade. Ok, d'accord. Voilà. Personne n'a vraiment envie de ça. Et donc on le fait cuire, ensuite on le remet dans la coquille. Et ensuite on le remet dans la coquille, exactement. Ça prend des plombes de manger 6 escargots. C'est hyper, ça prend des plombes. C'est hyper long en fait. Mais ça coûte très cher aussi, du coup. C'est rentable. C'est rentable, très rentable. Ouais. Les Chinois aiment beaucoup les escargots, je tiens à le dire d'ailleurs. D'accord. Et les Russes aussi. Ils sont forts ces Chinois. Les Chinois et les Russes, toujours prêts à manger un escargot. Ça leur rappelle les yeux de 100 ans, je crois. Ça m'a donné faim. Vous savez quoi ? Je te jure, j'ai envie de me taper des escargots. Avec une persillade. On sort d'ici, on va à l'escargot. Mais on n'en a pas ramené. Ah, on n'a pas d'escargots. On n'a pas des petits échantillons pour goûter là. On faisait aussi des grenouilles. Robin, en régie. Alors, les grenouilles, c'est la même chose, il faut les faire dégorger. Sortir de la coquille. Et les remettre. Les sortir de leur coquille. Je sais que la grenouille a un goût de poulet. Hein. Ouais, absolument. Ouais, ouais. C'est un dire. Quoi. Si, si. La grenouille a un goût de poulet. C'est un genre de poulet, la grenouille. De toute façon, c'est pas très éloigné. Avec des petits os qu'il faut surtout pas croquer. Attends, oh. Roger nous a fait une remarque extrêmement pertinente. Tout à fait. Tu disais donc que l'escargot. Eh ben, merci Lucien pour cette recette. Merci Lucien. Merci. Mais avec plaisir. On est ravis d'avoir appris comment se dégorger l'escargot. Comment ? Oh, toi. Quoi, j'ai dit une connerie ? Intenable, ce Roger. Je veux pas de que vous voulez parler. Tout de suite, la chronique de Jean-Michel Péri. C'est parti. Alors, je m'échauffe un petit peu. Je fais quelques étirements. Ah oui. Ah. Pendant ce temps, pendant que je retrouve mes touches et tout ça, Jean-Michel va donc nous expliquer comment il fait ses étirements. C'est parti. Alors, les étirements... C'est très simple. Pendant que Roger manipule son ordinateur, vous prenez votre main droite, vous la passez derrière... Ils le font en même temps, c'est trop bien. Vous la passez derrière le cou, ouais. Voilà, et vous tirez votre main avec la, donc avec la main gauche, vous la tirez comme ça. Ah oh, putain, c'est bon. Vous voyez comment ça fait du bien ? Pas mal. Et là, tac, et là, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est pour les épaules. Ah, ça fait mal de ce ça côté. Fait, ça fait mal. Moi, je suis bloqué là. Ouais, j'ai un truc. Ah, bon. Voilà. Oh là là. C'est bon ? C'est pas mal. Ouais, c'est... Moi, je suis hyper chaud. Bah écoutez, tout de suite, jingle. La force de l'âge. Péril. Ouais. Jean-Michel Péril. Ouais. C'est un jingle. Et comment ça va, Jean-Michel ? Ah là là là là là là là là là. Ça y est, c'est le printemps, Roger. Bientôt les mini-shorts, les sandales. Les chemisiers transparents. Ouh, j'ai hâte. Ah, ça va être bien, ça va être bien. T'as raison. Ah, pardon. Attention, remarque sexiste, Jean-Michel. Tu vas encore passer pour un misogyne. Ah, mais je parlais pas des femmes, hein. Je parlais de moi. J'aime bien m'habiller léger quand il fait beau. Tu m'étonnes. C'est mon petit côté Brandon Walsh. Je vais pouvoir m'enduire le corps de mon œil et boire des spritz en terrasse. Ah, ça va être trop bien. Le seul truc un peu chiant avec l'arrivée des beaux jours, c'est le changement d'heure. Oh là là là là, la misère. C'est ce week-end, hein, les gars, le changement d'heure. Ah bon ? Eh oui. Ouais. Déjà ? Eh oui. Incroyable. Samedi soir, quand vous serez en train d'envoyer un SMS à Yaya à 4h du matin pour du champagne en promotion, le 2 acheté, 3e offert. Je vois pas de quoi tu parles. En fait, il c'est sera... C'est votre fournisseur, les gars. Faut vous renseigner un peu. Eh ben, il sera pas 4h, il sera 5h. Il va être beau le brunch le dimanche. Hein. Allô, papa ? T'as pensé à me rapporter des croissants ? Ouais, les petits croissants, pas de problème. Hop là, les croix-croix, les sans-sans, hop, c'est parti. Je sors de l'embuscade et j'arrive. Hop. Non, mais là, c'est la dernière année, parce que ça y est, le Parlement européen a adopté la fin du changement d'heure pour 2020. Fini les excuses bidons, 2 fois par an pour arriver en retard au boulot, les gars. Merde. Remarque, il y en a qui n'ont pas besoin de ça pour ébranler. Hein. Il y a eu un rapport de l'Inspection Générale des Finances qui est tombé sur le temps de travail des fonctionnaires. Un tiers d'entre eux travaille moins de 35 heures. 35 heures. Moi, j'ai fait des afters qui duraient plus longtemps que ça. Hein. Sans transition, Roger. Bon, et le stand-up, comment ça se passe ? Alors, le stand-up, parce que je fais du stand-up, hein, je suis humoriste. Hein. Parce que tu es quand même artiste comique, on le rappelle à nos auditeurs. Je suis saltamanque. C'est chaud, le stand-up. Hein. Vous avez déjà assisté à des spectacles de stand-up, les gars ? Non, ouais. Très, très chaud. Ah ouais, c'est compliqué. Lucien, oui. Bah là, je joue dans des petites salles dans Paris. Enfin, des salles, c'est plus ou moins des caves, en fait. Hein. Moyenne d'âge, 20 ans. Brassage ethnique omniprésent, si vous voyez ce que je veux dire. Et je sais pas ce qu'ils bouffent, les gamins. Hein. Mais il y en a pas en dessous de 2 mètres et de 120 kilos. Hein. Alors, autant te dire que moi, avec mon petit 1m72, mes 60 kilos et ma gueule de Frédéric Diffenthal, Bah, je fais un peu la tâche, quoi. Tu vois. En plus, il y a une règle dans le stand-up, c'est qu'on peut pas faire des blagues sur n'importe quoi. On peut pas faire des blagues sur les Arabes si on n'est pas arabe. On peut pas faire des blagues sur les Noirs si on n'est pas noir. On peut pas faire des blagues sur les Juifs si on n'est pas avocat. Enfin, ah bah non. Compliqué. Du coup, bah, je fais des blagues sur ma communauté à moi. Hein, c'est les babtous galériens de 35 ans. Voilà, voilà. Mais même là, je dois faire attention à ce que je dis. Parce qu'il faut pas que je fasse des trop bonnes vannes. Sinon, il y a Gad Elmaleh qui risque de me les piquer. Et ça, c'est pas cool. En effet. Et c'est un... Ouais, je clash, ça dénonce. Ça dénonce, ça va être cool. Et bien, c'est un métier compliqué, humoriste, vous savez, les gars. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé avec mon confrère Yacine Bellatar. Je sais pas si vous avez vu. Il est en garde à vue, c'est ça ? Il est en garde à vue, je sais pas si vous avez vu. L'humoriste Yacine Bellatar a été placé en garde à vue pour avoir menacé de mort Bruno Gassio, l'un des auteurs des Guignols. Quoi ? Et franchement, je ne comprends... Attends, mais je ne comprends pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut plus menacer de mort les gens maintenant, c'est ça ? Hein ? Et comment on va faire ? Moi, par exemple, je circule en scooter dans Paris. Et à chaque trajet, je menace de mort plusieurs dizaines de personnes, notamment les cyclistes et les conducteurs de trottinettes. Mais c'est normal ! Je peux pas conduire dans Paris en disant « Allez-y, oui, coupez-moi la route, y a pas de problème, je vous aime tellement. » Quand on conduit à Paris, on doit pouvoir lancer à une petite vieille qui traverse au rouge « Mais avance ! Avance, putain ! Putain, je vais t'écraser ! Avance, je m'en fous, je vais t'écraser !» Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Total soutien. Des souvenirs, Jean-Mi, j'ai l'impression. Total soutien donc à Yacine. Des souvenirs qui remontent là. Pas du tout. Total soutien donc à Yacine Bellatar. Laissons les humoristes en paix et tous les artistes d'ailleurs. Qu'on nous foute la paix. C'est dégueulasse de s'en prendre à nous. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant d'artistes, vous avez vu ce qui se passe encore avec Michael Jackson ? Il a été encore accusé d'histoire d'agression sexuelle sur mineurs. Et tout le monde appelle au lynchage et au boycott. Mais il est mort, oui. Il est mort déjà. On va boycotter quoi, ses chansons quand elle passe en boîte? Elle est trop bien sa boîte. La musique elle est trop cool. Oh, t'entends? C'est Michael Jackson. Ah non mais moi j'arrête de danser, je boycotte totalement. Prends ton manteau, on s'en va. Non, on rentre. Et puis demain on doit se lever tôt pour aller à la rétrospective de Polanski. C'est pas normal ce boycott. Et d'ailleurs Charlotte Gainsbourg pense comme moi. Elle a été invitée la semaine dernière sur le plateau du Quotidien et elle a dit la même chose. Que c'était pas normal de boycotter un artiste en raison de soupçons d'agression sexuelle sur mineurs. En même temps, c'est un peu normal qu'elle pense comme ça, la Charlotte, hein, parce que Papa Serge, sa deuxième passion après dans la vie après le petit déj au 51, c'était quand même les petites filles. Hein. Ah, c'est un peu notre Michael Jackson à nous, Serge Gainsbourg. Roger, c'est à toi là, tu fais chier, Roger. Ah, mec, ouais, mais t'es pas réactif. Toutes ces accusations sur Michael Jackson, mon vieux, c'est des rumeurs. T'as raison, Roger. À moitié, hein, t'as Roger raison, hein. C'est toi le plus fort. Méfions-nous des rumeurs, mesdames et messieurs. Tiens, d'ailleurs, en parlant de rumeurs, il y a les Roms qui sont en train de déguster en région parisienne. Il y a une fausse information accusant des groupes de Roms d'avoir enlevé des enfants pour trafic d'organes qui a déclenché plusieurs expéditions punitives en Île-de-France. Tu te rends compte, les pauvres Roms, ils étaient là, peinards, à faire la manche et à nettoyer les pare-brises Porte d'Aubervilliers et zbim ! On leur tombe dessus à 10 contre 1. Encore plus violent que pour le mec de Laura Calu. Enfin, 10 contre 1, c'est plutôt 10. C'est incroyable ! Ah ! Eric Sylvain entre dans notre émission, mesdames et messieurs. Oh, comment il m'a pété ma chronique. Bonjour patron, comment ça va? Ah mais il y a le patron qui est là alors. Un petit mot pour les auditeurs de Vaticool, Rico? Non, le mec est là pour taxer les clopes. Ah oui, Rico. Bien sûr, patron. Clope pour Rico, s'il vous plaît. Un petit clope à Rico. Bah oui, voilà. Un petit clope pour le patron, bien sûr. Vaticool, c'est bien cool. Ah, merci. On va passer du on-track twist là. Bah justement, on va en passer dans la prochaine séquence. Pourquoi il n'y a plus rien qui marche ? Quel morceau ? T'as tout cassé. Non, c'est bon. Donc oui, prochain morceau, effectivement, un morceau d'Entracte Twist sur l'album. Alors maintenant, j'ai l'album complet parce que je l'ai piraté sur Soulseek vu qu'ils me l'ont toujours pas envoyé. Tu l'as pas commandé. Chez. Ah, tu l'as pas commandé. Chez. Commande, Roger, commande. Je l'ai commandé à Max. je l'ai commandé directement à Maxence Tomasso. Ah. Autant te dire que je peux attendre encore un peu. Autant dire que je peux attendre encore un peu. Laquelle tu veux qu'on passe de l'album, mon petit Stanislas? Mais on l'a déjà passé plein de fois. Bah écoute, passe en service. Bah, Jimmy et moi alors. Allez. Jimmy. Jimmy. Allez. Allez. Ouais, on y va. Et bah tout de suite dans Vaticool, Jimmy et moi, donc de ton orchestre en Tract Twist. Tout à fait. Et bah c'est parti, on en parle. Le 10 avril à l'international, on en parlait tout à l'heure. Et bah on en parle juste après. Au brume. Ouais. Formidable, tout de suite en Tract Twist. Vaticool, épisode 30. Je 4, sais plus 34, que 34. 34. En compagnie de Jean-Michel Péril, Brume. Attention, attention. On est sur une fermeture de fenêtre. On est sur une fermeture de fenêtre. C'est assez compliqué tout de suite. Jean-Michel Péril va nous raconter une blague. Ah. Pendant que je mets un tapis. Ouais, mais j'ai fait ça pendant 3 minutes et personne n'a écouté. Du coup, si, on adore tes blagues, Jean-Michel. Je vais peut-être finir ma chronique du coup. Ah bah oui. Ah bah il me restait juste stand-up. Il me restait juste 5 lignes. Non, je parlais des Roms. Ouais, vous suivez pas les gars. Les mecs n'ont pas écouté. Alors je disais les Roms. Donc les Roms, en fait, il y a eu donc des ragots d'enlèvement d'enfants pour trafic d'organes et il y a eu des. Non mais vraiment, c'est pas une blague pour le coup. Et il y a des mecs qui se sont groupés, qui leur ont pété la gueule. Voilà. Ah, ils sont tombés à 10 contre 1. Enfin contre un ennemi pour certains parce que ouais. C'est vrai que les Roms trafic d'organes c'est un peu con. Hein. La plupart ouais. Il leur manque quand même 2-3 éléments du corps humain, tu vois. Ouais. J'en ai vu un l'autre fois, il y avait que le tronc. On aurait dit sur la ligne 13. On aurait dit ouais, ouais tu le connais toi aussi. On aurait dit une bûche ou un boudin de porte. Non mais il était tout seul en plus. Heureusement qu'il était pas à Montmartre, sinon il aurait roulé jusqu'à Montparnasse sans pouvoir s'arrêter. Bref. Bon même s'il leur manque quelques membres, tu vois ces gens-là, ils sont pas assez cons pour voler des organes d'enfants. Ils vont faire quoi avec des jambes de bébé ou un bras d'enfant? Encore que pour le bras d'enfant, je connais 2-3 copines que ça pourrait intéresser. C'était ma meilleure blague, merci de m'avoir écouté. Hey. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, évidemment. La chronique de Jean-Michel. Péril. Ouais. Jean-Michel Péril. Ouais, ouais. C'est un jingle. Merci Jean-Michel. Bah avec merci, plaisir les gars. Merci Jean-Michel. Merci les gars. Jean-Michel. Merci d'avoir joué le jeu. Merci. Merci pour tous ces rires enregistrés. On se retrouve donc pour cet épisode 34, toujours en compagnie de Jean-Michel Péril, Stanislas de la Fuse, Lucien Bouchara et Léon Bouchara. On est sur du prénom vintage, les gars. Ah oui. Ah bah Roger, Jean-Michel, Stanislas, Léon et Lucien. Oh là. Oui, et on est clairement. J'ai envie de dire. 32, là, j'ai envie de dire bravo. Et vous avez des deuxièmes prénoms ? Non, j'en ai qu'un, ils sont pas foulés. C'était... Ouais. Henri. Pour Henri. Ouais. Ah bah ça va, ça c'est moderne. Ah bah ça remonte un peu le niveau, c'est bon. Ça pas de deuxième. Ah bah j'ai une litanie de prénoms, j'ai tous les saints du paradis dans mon. On va pas commencer parce que c'est. Mais c'est pas la peine. Les prénoms, putain. Non, vous le vivez bien, vous voulez vous... Ça sonnait un peu mieux que Séraphin de la Fuse. Oui, voilà, Séraphin, c'est pas mal, cela dit. Hein. Non, c'est... Ah, non, pas non, Séraphin. Séraphin. Non, Séraphin, non. Pas Séraphin. Lille, Séraphin de Lille. Séraphin de Nice. Non, t'imagines, en plus, avec le pape du coup, le Séraphin, j'étais foutu, quoi. Ouais. Complètement foutu. Et vous le vivez comment, de porter des prénoms comme ça, un peu vintage? Oh, super bien, je crois que... Super bien, ouais. Regarde, ouais. Il porte une belle casquette. Ouais, c'est vrai qu'il a une petite casquette. Ah, tout va avec. Ouais, vous avez le look qui va avec. Les oreilles dures. Oui, nous sommes aujourd'hui en 1962, donc en compagnie de Stanislas, Lucien, Léon et Jean-Michel. Alors que la régie vient d'entrer dans le studio pour corriger l'angle du micro, effectivement. Ouais, on ne sait jamais lequel des deux va parler. Intrusion de la régie. Parce que bon, rappelons, apprenons peut-être à nos auditeurs que Lucien et Léon, s'ils portent le même nom, c'est pas parce qu'ils sont mariés, c'est parce qu'ils sont frangins. Voilà. Ah. Hey, lâche info. Depuis 25 ans maintenant, depuis 26 ans même. Mais pourquoi on applaudit, je comprends pas. J'en sais rien. On adore applaudir dans cette émission. Vous êtes frangin alors ? Oui. Oui. Vraiment ? Enfin, je crois. Hein. Vraiment. Bah, okay. Il paraît en tout cas. Vous avez fait les tests ADN, des trucs, quoi ? Non. Non, fais confiance. Oh, mais il y a un petit air de famille. Et c'est comment travailler en famille ? Travailler en famille, ça va ? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool. Ouais. Vous encouragez toutes les familles à travailler ensemble ? Non. Non. Alors que le chat est déchaîné. Et on me dit effectivement dans le chat donc que je ne connais pas Brume mais j'aimais beaucoup les enfants perdus quand j'habitais en ce quartier. Bah n'hésite pas à venir les voir. Viens, mais qui es-tu ? Et ça vient de Jeanne Stella de Twitter, de Instagram. Okay. Salut. Salut Jeanne. Hello. Salut Jeanne. Salut Jeanne. Salut Jeanne. Salut Jeanne. Wow. Cette émission. Oh Lulu. Lulu est chaud. Lulu est chaud. Lulu est chaud. Il a déboutonné sa chemise à rayures. On est sur du Danny Briand. Avec sa petite boucle d'oreille à la Stéphane Echer. Attention, c'est chaud. C'est chaud. Et Jeanne nous salue également. Salut Jeanne. Hey, Stanislas, tu joues dans un groupe également, en plus de servir des bières. Oui, je joue dans un groupe qui s'appelle Entract Twist. Entract Twist, voilà, on a reçu déjà plusieurs fois, en fait, à l'instant. Mais uniquement sous la présence de Maxence Tomasso, donc oui, chanteur leader, et guitariste leader du groupe. Leader. Vous êtes deux ? Non, on est cinq. Non, ils sont cinq. Ah ouais. Oui, on est cinq. Et j'essaie depuis des mois de vous avoir en entier dans Vaticool. Il n'y a pas que le prénom qui est vintage, il y a aussi tous les instruments, une vraie batterie, une vraie basse, deux guitares, un clavier. Un accordéon, de la harpe. Ça va être parfois, trop bien. Ouais, sur les enregistrements studio. Il y a toujours moyen. Du clavecin. Du clavecin. En connaissant Ramon, il y a forcément moyen d'avoir ce genre de truc. Et Ramon, t'as des lives de prévus là, prochainement ? Oui, le 10 avril, donc, comme je disais, à l'international, okay. Avec Vintage Crap. Voilà, okay. Ça va être cool. Qui sont-ils Vintage Crap. Punk anglais, crâne rasé, basket blanche, tu vois, les nouveaux punks, quoi, cool. Ah, voilà. Les nouveaux punks. Voilà, ils sont bien. Les punks de gauche. On s'en branle. Non, des punks de droite. Punks de droite. Ah, bah comme moi, formidable. Oui, comme toi, voilà, tout à fait. Génial. Je vous propose qu'on écoute. Par contre. Ah, flatteur. Oh, le lèche-cul. Tout de suite, un morceau des Gin Tonic. Non. Non, on arrête avec tes morceaux, Roger, ça suffit. C'est très bien. Okay. Mais qu'est-ce que tu nous passes après, Roger, là? Bah justement, je vous propose musicale. Un morceau de votre sélection. Ah, sélection. Vous avez le choix entre du Kevin Ayers, Chris Ma, Young Marble Giants, alors, David G. Un petit Kevin Ayers, Baxter c'est bien. Dury, Kevin Ayers. Oui. Ah oui, Kevin Ayers. C'est lequel? Kevin Ayers avec le morceau Décadence. Décadence, on a joué ça à l'Angora avec Patrick Vignal, tu t'en souviens? Bah bien sûr. C'était bien. C'était bien. Hein. Pour l'ouverture. Ouais. Eh ben, on va donner un peu de cette joie de l'ouverture à nos auditeurs maintenant, du coup. C'est Patrick, parti. Si tu nous écoutes. C'est parti. Patrick, si tu nous écoutes. Bah d'ailleurs, viens aussi, toi. Parce que bon... Tout de suite, maintenant. Non, mais... Allez, à tout de suite. N'hésite pas à venir en Vaticool. Salut Patrick. Yeah. émission sans alcool présentée par Roger Delisle. Une émission sans alcool présentée par Roger Delisle. Mais c'est n'importe quoi, il y a de l'alcool partout. Je vois pas de là-dessus. Il n'y a pas de tireuse, mais il y a des canettes. Le CSA nous écoute. Le CSA. Bonjour le CSA, il n'y a pas d'alcool dans cette émission. Le comité de censure audiovisuelle, tu veux dire? Tout, ouais, voilà, toute l'équipe. De, voilà. Vatico, l'épisode 34, on se retrouve en compagnie de Stanislas de la Fuse, Lucien Bouchara, hello. Léon Bouchara et Jean-Michel Péril. Absolument. À la régie, salut. Toujours Robin et sa stagiaire. Marie. Qui nous fait des signes. Le chat est toujours présent puisqu'il nous fait de nouvelles réclamations. Ouvre un peu la vati-fenêtre du vati-studio. Sacré Marine, quelle farceuse. Merci le chat, merci. Ah, merci le chat du coup, vu que c'est pas le chat, mais... apparemment le chat voudrait que j'ouvre la fenêtre du studio parce qu'il sent déjà l'odeur de mes cigarettes alors que les canettes de soda tombent. De soda. Comment ça va les gars? Mais bien, bien, bien. Mais super. Super. Toujours aussi bien. Le printemps arrive, c'est bien. C'est vrai ça, le printemps. C'est assez printanier enfin. Cette chanson de Kevin Ayers. Ouais. Ouais. Ouais. Tu rigoles silencieusement Lulu aujourd'hui, ou pas? Oui. Tu rigoles... Non, t'as plus que ça. Dans sa barbe. Ouais. C'est vrai, sa barbe particulièrement fournie, comme on pourra le constater sur les photographies de l'émission. Très fournie, exactement. Il est bien ton tapis là, waouh. Ah bah, on est dans une ambiance plutôt tropicale, hein, tu sais. C'est une émission qui, malgré tout, rapporte le soleil un peu. Des Caraïbes, de Puzu Puzu, fidèle Sherpa caribéen, tombé devant l'éternel, puisqu'on n'en a toujours plus de nouvelles. Peut-être qu'on en aura à nouveau un jour. Ah, et le chat est également content du morceau de Kevin Ayers. Donc merci le chat. Ouais, très beau merci moment. Le chat. Merci le chat, une fois de plus. Ça faisait longtemps qu'on en voulait un, et c'est pas pour rien qu'on en a un désormais. Puisqu'on peut désormais interagir avec... Quels sont les prochains DJ sets programmés à Brume? Oh, il y a du beau linge. Oh, oui. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a du beau monde qui vient chez vous, mine de rien. Oui, bah samedi, il y a Sarah Maison qui est avec nous. Ouais. Ouais. Ouais. Incroyable, Sarah Maison. On a les CDJ pour Sarah Maison. On a les CDJ. On a des CDJ pour Sarah Maison. Ouais, oui. Et puis, après. Mais pas que pour Sarah Maison, d'ailleurs. Il y a n'importe quel DJ pour l'avoir déjà. Il y a Patrick Vidal. Mais après Molis aussi. Bill et Monica. Bill et Monica. Ouais. Grand DJ de renom. Très stylé. Un Cosmosonic aussi. Cosmosonic qui arrive très rapidement. Ah ouais, donc on a du monde. Et Lille, et toi Lille? Eh ben c'est une bonne question, quand est-ce que je reviens moi? Eh ben attends, je regarde mon agenda. Bah écoutez, on va programmer en direct le prochain DJ set à Brume. Cette émission n'est faite que pour que Roger trouve du boulot. Ah bah tu vois pas que c'est... c'est ça. Tu vois pas que c'est un accord commercial tout de suite la pub? Ouais, mon cher Roger, je te propose le 24 mai, tout de suite, là, maintenant. Le 24 mai. Voilà. Il fait genre, il a un agenda, mais il a pas du tout d'agenda, Roger. Ah, alors, Roger. Roger, tu regardes quoi, en fait? Bah, là, mon portable qui vient de s'éteindre, du coup. Je propose un rendez-vous le 27 avril. Le 27 avril? C'est plus proche. 27 avril. Et bah, va pour le 27 avril. Mieux pour lui, déjà. Et bah, c'est qui part, le 27 avril, on pourrait me retrouver à Brume. C'est un samedi soir. Un samedi soir. Un samedi soir, excellent. Sur le podium, Roger, podium. Allez. Bah donc vous pourrez me retrouver le 27 avril à Brume. Et le payez pas les gars. Oh si. Il va défoncer son salaire en binouze. Il va défoncer son salaire en binouze. N'importe quoi, attends, franchement je bois très peu en tant que DJ. C'est vrai, je suis d'accord. Et ils l'ont constaté eux-mêmes, puisque je suis déjà venu à Brume plusieurs fois, je crois que t'es celui qui a le En trois mois, j'ai... Mais attends, tout est noté en direct. Tout est noté en direct, c'est formidable. C'est donc confirmé, mesdames et messieurs. On s'organise. Hein, c'est... Ah non, on n'a pas parlé des Buddy, nos copains de Buddy Records, qui sont là très avec Victor Panini, on y va, monsieur Panini. Ah, monsieur Panini Joe. Ouais, avec Joe et Glouglou. Panini Joe et Glouglou, bien sûr, Buddy Records. Sorcière Glouglou, maintenant, décidément. Je me souviens d'une époque où les sorcières s'est brûlées. Hein. Mais bon, après, on va pas. Ah laissez-moi retrouver la pub. Voilà, tout de suite, la pub. La quille. La quille. La quille. Top, top, top. La quille d'op super à moussant. Dop, dop, dop, shampoing de la famille. Dop, dop, dop, pour papa et les enfants. Dop, dop. L'Évitant vous accordera 24 mois de crédit. L'Évitant livre gratuitement dans toute la France. L'Évitant rembourse les frais de voyage à Paris. Catalogue gratuit sur demande. L'Évitant, 63 boulevard Magenta, Paris. Un meuble signé L'Évitant est garanti pour longtemps. Bien le bonjour, monsieur l'Évitant. Vous avez des meubles, vous avez des meubles. Bien le bonjour, monsieur l'Évitant. Vous avez des meubles qui durent longtemps. Le petit Berly, qu'il est bon, le petit Berly. Fabriqué avec du lait. Eh ben. Ça suffit maintenant, hein. Ça vous a plu, cette petite séance de réclame? C'est très très bien. Tant mieux, parce qu'on a besoin de moyens pour cette émission. Comme tu peux le constater, sur cette table, ça coûte cher. D'ailleurs, c'est une sortie au chapeau. Il faudra payer. Autant vous dire les gars que bon, on a des frais. Rico est d'accord, c'est bon. Rico a dit oui. Sachant que c'est le vrai patron de la radio finalement. Tout va bien. Bisous Marie. Un morceau. Allez. Un morceau. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans le package? Dans le package, il vous reste du David G, du Chrisma, du Young Marble Giants et du Baxter Dury. Qu'est-ce que t'en penses? Alors. Young Marble Giants pour Lulu. Allez, Young Marble Giants pour Lulu. Lulu adore ce morceau, c'est son morceau préféré, je pense. Il finirait bien par l'alcool quand même. Non. Il fait beau, on est bien. Eh ben, le morceau s'appelle Brand New Life, c'est parti. Salut. Et Vaticool épisode 34, on se retrouve avec Brume. Oui, salut. Salut. Stanislas de la Fuse, Lucien Bouchara, Léon Bouchara. Et Jean-Michel Péril qui n'est pas brume. Je ne suis pas brume. Bientôt, même bientôt. Bientôt, ouais, bientôt. Je vais venir te déposer un petit CV quand même. Bah oui. Oh bah tant qu'à faire. Bah oui. Pas mal. Bah, je ah, la réinsertion par le travail. Je me connais un petit peu en binouze. T'as déjà fait ça ou... Ah bah, oh bah j'ai... plusieurs années de comptoir du Sans Souci à son actif. Ah oui. C'est 5 ans au Sans Souci, ouais. Okay. Autant te dire que... Ah, je sais de quoi je parle. Ouais. Je t'ai connu. Parce que l'expert. Oui, Jean-Michel, je l'ai connu de nuit d'abord. C'est où vrai. Où il m'a beaucoup appris finalement... C'est un peu dans le rapport client, il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris le rapport client. Ah. C'est vrai que les gens venaient me voir parce que je les insultais. Mais il y a la manière. Je déconne même pas en fait. Il y a vraiment un public pour ça. Mais les gens aiment bien. Ouais. Mais les gens aiment bien. Il y a une manière d'insulter les gens. Ouais. Il y a une manière. Tout de suite un tuto. Toi, ça, t'aimes bien c'est non, moi j'aime pas. T'aimes pas ça, Stav? Non, j'aime pas qu'on m'insulte quand je viens boire un verre. Peut-être petit tuto, Jean-Michel, pour un barman débutant, comment le rapport client, comment ça se passe? Il faut tout. Tu vois le dicton qui dit que le client est roi? Ouais. Bah. Voilà, déjà, premièrement. Ouais, c'est non, pas mal, jusque-là tout va bien. Au-delà de ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il faut instaurer une relation amicale avec le client. Oui, donc voilà, faut que ça reste une petite insulte amicale qui crée un petit piment, un petit climat sympa. Hein. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Exemple, tu vois. J'ai pas d'exemple. Non, faut vraiment qu'on se mette en situation. Est-ce que vraiment... ouais, alors, voilà, un peu, petit jeu. Mais c'est pas loin, c'est tu pas vois loin. Quoi, t'es de nœud. Petit jeu de rôle, j'arrive au comptoir, je te commande une pinte, nanana. Ouais. Bonjour, une pinte. Bonjour. Une pinte. Ouais. Une pinte de quoi? Bah de ta bière blonde de base. Ma bière blonde de base, t'as pas de pognon quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Encore un crevard. C'est un exemple, voilà. C'est un exemple. Mais tu passes une bonne soirée, les gens revenaient. Ah oui, les gens rigolent. Je suis motivé par votre truc, je suis vraiment dedans. Et après tu as fait le jour. La même chose dans une heure et demie, ouais. Et après j'ai fait le jour, donc le jour, c'est un peu principe, différent. Mais c'est avec le café. Voilà, c'est pareil. Bonjour, un café s'il vous plaît. Ouais, un café, ouais. Bah, ouais. Un café, bah oui, un café. Vous voulez du sucre avec, c'est ça? Oui. Je suis plus trop sûr là, d'un coup. Vous voulez un verre d'eau en plus? Oh non, ça ira. Merci. Ouais, ouais. Des trucs gratos quoi. Vous voulez une deuxième cuillère, non? Faut arriver. Ouais. Voilà. Eh bien, merci pour ce cours de rapport client. Allez, je vous en prie, les gars. J'espère que vous avez pris des notes. Moi, je viens. Partout, en main. Oh là, on me dit en régie que dans une minute, c'est fini. Dans quoi? 5 minutes, je remballe tout. Ouais, c'est même... Oula, dans 5 oulala, minutes, oulala. Je remballe tout. Gros bug. Je sais, la personne s'est exprimée, c'est pas grave. Puisqu'on arrive à la fin de cette émission... Oh. Déjà. Eh oui, déjà. Oh. Ça vous a plu? Vous reviendrez? Combien? Parce qu'on ouvre... Bah oui, vous êtes censé ouvrir dans pas longtemps. C'est ouvrir maintenant. Ouverture à distance. Vous avez pas un petit truc électronique là qui... Comme dans les machines à laver? Ouais. C'est pas lavomatique du coup ce que vous avez. Pas encore. Mais ça viendra. Dans 10 ans. Et des annonces. Où est-ce qu'on peut vous retrouver les gars? Du coup. 131 rue Oberkampf. Métro Ménilmontant. Oberkampf. Tous les jours. Même tous les jours. Jours. Bar, même le dimanche, même le lundi. Même le matin. Ok, matin. Là, il y a deux personnes qui. Il y en a deux qui sont pas au courant. Enfin, quoi, le matin? Pas du tout au courant. Quoi, le matin? Le matin, mais à partir de quelle heure? À partir de quelle heure le matin? 10h. 17h le matin, 17h. Ah, 17h du matin, ça. 17h du matin. Vous avez des réseaux sociaux? Vous avez des réseaux sociaux? Oui, Brume Paris, Instagram, Brume Paris. Instagram, Brume Paris. Facebook, plus personne va sur Facebook, mais quand même, voilà. Pour les gens qui restent, Brume Bar. Face quoi? On sait jamais, mais si, pas de Twitter, pas de... Twitter, non. Vous avez un LinkedIn? Alors ça, c'est pour Jean-Michel. Alors qu'on est en train de dépasser cette émission, Jean-Michel, où est-ce qu'on peut te retrouver rapidement? Eh bien, ce soir, je fais des petites blagounettes à l'Intrépide Bar, 37 rue Pierre Fontaine, et demain, au 149 rue Gallieni, à Boulogne. Okay. Voilà. Et bientôt, le podcast du Péril Show, évidemment. Bientôt, le podcast du Péril Show, en effet, ton émission. Ton émission succursale de Vaticool. Ouais. Enregistrée de manière semi-pirate lundi dernier. Avec Berthe et Fracas. Ouais, surtout Fracas d'ailleurs. Quant à moi, vous pourrez me retrouver le 27 avril au Brume. Ouais, donc le 27 déjà. Avril à Brume. Déjà, voilà, déjà pour merci commencer. Parce qu'il a oublié déjà. En vrai. Bah oui. En vrai, pour de vrai. Vous pourrez également me retrouver ce vendredi à la mécanique ondulatoire. Oh. Vintage. En tant que DJ, oui, toujours, bien sûr, les amis, on adore. ainsi que courant mai, alias. Courant mai. Ouais, courant mai. Rien dire. Mais courant mai. Plus d'infos à la prochaine émission. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, à Roger de Lille, pour tout. Puis c'est déjà pas mal. Tout simplement. Si vous avez besoin de n'importe quoi, pour tout taper à 3G de Lille, et puis vous trouverez bien un réseau social sur lequel je suis. Également, le Discord est actif. N'hésitez pas à vous rendre sur Facebook pour avoir le lien de connexion, tout ça. C'était Roger Delisle, le pape du cool. L'émission s'appelle Pati Cool. Merci Roger. Merci Roger. As-tu déjà connu l'amour ?